C'est l'automne et du coup il y a plein d'expulsions dans tous les sens. Il y en a en France, il y en a en Allemagne, il y en a un peu partout. Il y a beaucoup de violence aussi. Et voici la lecture d'un texte paru sur nantes.indymedia.org. C'est l'article 51193. Il est paru le 28 septembre 2020. Et il s'intitule Comme un goût de haine dans les rues de la ville, expulsion violente, guerre de classe et fascisation affirmée. Il précédait un appel à rassemblement contre la loi anti-squat qui vient de passer. Et le rassemblement était le vendredi 9 octobre, place du Commerce à Nantes. Ça commence par l'histoire d'une maison squattée. Nantes, quartier de Procès, un des quartiers bourgeois les plus chers de la ville, à 4 636 euros le mètre carré, excusez du peu. Un groupe de personnes en galère de logement décide de squatter une baraque, pas habitée depuis 2007 d'après une voisine. Normal. Sauf que, peu après l'emménagement, le proprio menace d'envoyer des gros bras pour tout défoncer en assumant sans complexe qu'il passera outre les flics et la procédure légale. Est-ce que la présence des potes venus en soutien qui l'a dissuadé ce jour-là? Possible. Toujours est-il qu'un maçon venu pour murer la maison, la pensant vide, a confié au squatteur: À votre place, moi je partirai. Probablement par habitude des méthodes de son employeur. Effectivement, quelques semaines plus tard, alors que la procédure suit son cours, environ sept hommes cagoulés et armés de matraques télescopiques entrent dans la maison à coups de bélier. Entre guillemets, seuls les flics, les militaires et les pompiers sont autorisés à acheter ce genre de matos. Ils entrent donc à coups de bélier en se faisant passer pour la police. Ils sont relativement structurés, ils obéissent à un chef. Ils emploient un vocabulaire martial et technique, analysent froidement la situation pour en prendre le contrôle. Ils saccagent et cassent des vitres, défoncent la porte d'entrée de l'intérieur afin de la rendre inutilisable, les sanitaires, le four et les ordinateurs, et ordonnent de quitter la maison. Ils ont aussi tenté de s'en prendre à l'ÉLEC, mais la matraque, c'était pas terrible. Dans le même temps, ils frappent, menacent de viol, volent deux ordinateurs, un téléphone et un portefeuille. Ils ont aussi méthodiquement détruit les autres téléphones qu'ils ont pu trouver. Ils reviennent couper l'électricité quelques semaines plus tard, en soirée, alors même qu'il y a du monde dans la maison, coupant un câble à haute tension à la disqueuse portative. Plus d'élèves dans le squat et plus d'internet dans une vingtaine de foyers à la suite de la maison. La troisième fois, le niveau de violence pète les scores. Le commando revient, entre de nouveau à l'aide du bélier et remet la maison à sac. Alors que trois personnes encore éveillées les accueillent en jetant quelques canettes et puis se maintiennent dans le salon en faisant face aux assauts contre les portes, la dizaine d'hommes cagoulés, gaz à la lacrymogène, frappent à la tête avec des matraques, même une personne endormie, tentent d'attacher une personne avec des serflex, détruit à nouveau le mobilier en utilisant là encore une meuleuse portative pour ce faire, et répandent un liquide nauséabond dans la maison. À leur départ, la maison est dévastée, les affaires sont cassées, couvertes de merde, le verre brisé, de gaz et de sang, et quatre personnes partent aux urgences pour être suturées. Last but not least, dernier point mais pas le moindre, alors que les potes dépités se résignent à bouger leurs affaires et à retrouver leurs galères initiales, on, entre guillemets, a mis le feu à une voiture venue aider au déménagement, presque sous leurs yeux. Et sûrement sous ceux de la voisine, venue au squat raconter le lendemain. Enfin, Car heureusement que dans ce monde de merde, on peut toujours compter sur la solidarité des voisins et voisines. Eh ben non. Dans ce quartier propret, on entend les pas sur les feuilles mortes. Intense l'ambiance. On n'entend ni les bruits de verres brisés, ni celui du bélier, ni les cris de douleur, ni les appels au secours ou au feu, qui n'ont pas été jugés suffisamment inquiétants pour que quiconque ne se déplace ou n'intervienne d'une façon ou d'une autre. Cela s'explique peut-être par le fait que le proprio, via une liste mail, qui fait partie de l'association de riverains et riveraines, s'est présenté au début de l'occupation comme étant une victime dans cette histoire, affirmant être terrorisé par ces vilains et vilaines squatteurs et squatteuses à capuche. Méthode de FAF, FAF pour France aux Français, bien éprouvée désormais, véhiculer le sentiment d'insécurité auprès des habitants et habitantes tout en faisant monter le niveau de violence pour renforcer ce sentiment et isoler les gens afin de s'assurer que personne ne leur vienne en aide. C'est bien un renversement des faits et de la situation pour créer la confusion très utilisée par l'extrême droite française, comme le Rassemblement national, qui s'est joué là encore une fois. Durant toute la courte vie de cette occupation, les voisins et voisines sont restés méfiants et méfiantes, distants et distantes, suivant ainsi ce que le proprio avait énoncé sur la liste mail. Chacun et chacune chez soi, chacun et chacune sa vie de merde dans ce quartier qui pue le français de souche. On peut aussi imaginer que ces gens s'identifient bien plus facilement aux problèmes du propriétaire qu'à ceux des squatteurs et squatteuses des SDF. Solidarité de classe oblige. Pourtant, quelques-uns et quelques-unes viendront prendre des nouvelles et montrer une certaine solidarité le dernier jour, enfin, un peu tard, quoi. On peut aussi souligner que les moyens déployés par le propriétaire. Pardon, il n'y avait pas. On peut aussi souligner les moyens déployés par le propriétaire. En effet, ce gars est capable de rassembler 6 ou 7 bonhommes, pas exclu qu'il fasse lui-même partie du commando, sûrement en les payant, en thunes et peut-être même rincés à la cocaïne vu l'attitude de certains d'entre eux, afin d'assaccager une baraque et éclater les gens qui y vivent afin de récupérer une maison qu'il a achetée ces dernières années et dont il ne fait rien. À vrai dire, il ne fait pas tout à fait rien avec. Il a cherché à la vendre en la mettant en vente à un prix bien supérieur à celui du marché. Personne ne s'est manifesté pour l'acheter. Il s'apprêtait donc à la faire murer au moment où les squatteurs et squatteuses l'ont prise, et désormais elle l'est. On pourrait se dire que, pas de chance pour elle et eux, les squatteurs et squatteuses sont tombés sur un propriétaire véreux, membre d'une mafia, sinon au moins d'un gang ultra-violent. C'est peut-être le cas, mais en apparence. Les propriétaires sont tout ce qu'il y a de plus classique et intégré dans ce monde. Et c'est là que cela devient rigolo. Les vrais bandits ne sont pas qu'en uniforme, ils portent aussi tranquillement le costard fabriqué en France et sont eux-mêmes bien locaux. Sur le papier, la maison appartient à la société Imoneo, cogérée par deux frères, Jean-Philippe et Fabrice Hamon. Hamon. En 2019, Imoneo a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 8 millions d'euros. Imoneo est domicilié à l'agence AJP de Châteaubriant, dirigée par JP Hamon. La maison a été mise en vente par l'agence immobilière AJP Immobilier Grand Nantes, dont le gérant est là aussi JP Hamon. À vrai dire, Jean-Philippe Hamon est dirigeant de plus d'une soixantaine d'entreprises. On va pas faire ici, mais c'est en lien plus bas dans l'article, une liste qui pourrait être longue comme le bras, même si c'est intéressant de savoir, à savoir puisque toutes ces adresses sont autant de moyens de saluer Jean-Philippe. JP travaille souvent avec Fabrice, son frère, lui aussi à la tête de nombreuses sociétés immobilières, mais plus spécialisé dans le prêt immobilier, à l'instar de la société Loto, au chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros. Présente aussi à Nantes, Paris, sous le nom de HypoBot, et Le Bousca, dans le 33. On retrouve aussi souvent Virginie Hamon, la sœur, mais aussi Joël Hamon, leur père. On a ici affaire à un petit empire familial, fait de sociétés écrans, d'embrouilles pour frauder les impôts et de magouilles financières, comme il en existe plein d'autres en soi, la cour des riches, quoi. Pour en revenir aux attaques qui ont eu lieu dans le squat, il semble évident que les types n'en étaient pas à leur coup d'essai. Ils faisaient leur travail, sûrement plus un extra qu'un taf à part entière, et ils montraient une certaine habitude, voire une certaine assurance. Par déduction, on peut donc penser que cette milice est régulièrement employée par le clan Hamon, qui doit y avoir recours aussi bien contre les locataires mauvais et mauvaises payeurs et payeuses que contre les squatteurs et squatteuses. Dans un sens, on entrevoit ici sûrement qu'une petite partie de l'iceberg amont. Qui a les moyens de s'affranchir des lois, de constituer des réseaux mafieux à peine dissimulés, de s'acoquiner avec des types sans scrupules dont on n'a aucune idée des limites, le tout soutenu par la police et la justice, le pouvoir en place, en somme. En fait, c'est le système capitaliste. Cet été, les médias, BFM en tête, ont encore monté en épingle une histoire de squat dans le sud de la France, véhiculant cette image de squatteurs et squatteuses toutes et tous puissants et puissantes face aux pauvres propriétaires, soi-disant abandonnés par l'institution judiciaire et la République, entre autres. Et c'est ainsi que la ministre du Logement a déposé un projet de loi visant à faciliter les expulsions en passant directement par le préfet et non plus par un tribunal, comme c'est le cas aujourd'hui. Les prises de position droitières du pouvoir et la fascisation générale ne font que se renforcer mutuellement, faits divers à l'appui, comme en 2015 avec l'affaire Marivonne, montée en épingle encore une fois par l'extrême droite et qui s'était soldée par un durcissement de la loi sur les occupations de logements. Là aussi, il y a des références dans le texte pour cliquer sur des liens qui donnent des histoires plus complètes. À vrai dire, la méthode est connue, mais elle est aussi tellement révélatrice de l'époque dans laquelle on baigne. Quelle est la définition du terme insécurité? Pour les propriétaires, la bourgeoisie, l'insécurité, c'est que des personnes à la rue se mettent à l'abri dans une maison vide et abandonnée. Et quand celles et ceux-ci se font tabasser et la maison mise à sac pour faire peur et dissuader de l'occuper, là, c'est de l'insécurité. L'insécurité, c'est pas les squatteurs et les squatteuses, c'est les gros bras armés qui viennent leur péter leur maison. L'insécurité, c'est l'injustice, c'est de se faire assigner au tribunal par des bailleurs privés mandatés par l'État pour se faire expulser, alors que l'État est dans l'obligation légale, via le droit au logement, à assurer un toit à toute personne sur le territoire français. Pourquoi murer une maison? Un bon moyen de faire du fric. En gardant des maisons vides, Nantes est une nécropole en plein essor, la pression immobilière y est déjà forte, c'est un moyen de faire monter les prix à la vente comme à la location dans le parc laissé disponible à un moment donné. Moins d'offres pour une demande déjà surabondante. Dans le même temps, la maison vide, sinon le terrain sur lequel elle est construite, pourra être revendue plus cher dans quelques années puisque les prix ne cessent d'augmenter. Bref, c'est le jeu de la spéculation immobilière. Mine de rien, tout le monde paye les frais de ces ajustements. Les centunes qui doivent se contenter des trottoirs et des ponts, comme les locataires et les petits et petites propriétaires qui vivent dans leur maison et payent le prix fort, tandis que d'autres se gavent en se gardant sous le coude leurs profits et moyens de pression de demain. De telles pratiques sont responsables de l'augmentation globale de la précarité. D'un côté, on sait que certains propriétaires laissent les squatteurs et les squatteuses dans les maisons le temps que les prix grimpent. Les squats, le plus souvent malgré eux, sont ainsi intégrés au processus spéculatif et de gentrification. Car un squat dans un quartier, ça fait stagner le prix des loyers et des ventes à des moments. Par contre, il est utilisé pour amener un sentiment de sécurité et d'activité, sentiment qui aide à faire venir les acheteurs et les acheteuses dans un quartier nouveau, d'autant plus si c'est un squat d'artistes et ou d'activités. D'autres proprios décident d'expulser par la voie extra-légale, en cassant des gueules avec tout le mépris et la haine dont les gens de cette classe sont capables. Les profits avant tout, quelles qu'en soient les conséquences humaines et sociales. Bien sûr, c'est la base du système capitaliste et c'est pas une découverte, mais ça vaut toujours le coup de le redire. Spéculateurs, propriétaires et capitalistes, exploiteurs, c'est eux les parasites. On peut noter aussi la sale histoire du cabinet notarial Nicolas à Pont-du-Sang, à Orvault, près de Nantes, qui a monté sa propre milice. Lui aussi est propriétaire d'une quinzaine de SCI, toutes domiciliées au 25 de la route de Rennes à Orvault, donc dans le 44. En novembre 2015, c'est un squat ouvert pour mettre à l'abri des exilés qui se prend plusieurs cocktails Molotov, action revendiquée par un groupuscule fasciste après d'autres actions de sabotage des associations d'aide aux exilés. C'est à retrouver pareil sur un article de nantes.indymedia.org. Fin août 2020, une femme et ses filles en bail précaire avec Nantes Métropole s'est fait murer sa maison sans préavis, avec ses affaires à l'intérieur en profitant de leur absence. Et plus récemment, à Rezé, c'est un père et sa fille qui font les frais du proprio, la société Articréation, au chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros, qui pètent tout dans la baraque après les avoir espionnés et attendu leur absence. Pour chacun de ces cas, il y a un lien pour voir l'histoire complète. Dernièrement, plusieurs autres squats ont subi des coups de pression, soit des expulsions violentes, parfois sous les yeux de la police inactive, malgré que l'agression ait été perpétuée par l'agence propriétaire. Au fil des énumérations, on se rend compte que ces genres de pratiques est relativement banal en fait. Et on ne parle que de Nantes et de gens en lien avec le milieu militant. Qui va venir les faire chier? Les gens et les gens qui galèrent ont eu le temps de comprendre que ni les flics, ni la justice, ni l'État ne bougeraient le petit doigt pour les aider. Et ça se précise quand on est une personne non blanche, ou LGBTQI+, ou handy, ou neuroatypique, ou n'ayant pas de diplôme universitaire, etc., etc. De plus, on est dans la cible de tabassage des fouloirs de ces beaufs. On dénombre quelque 11 000 personnes entre le CCAS et la MAJ de Nantes, inscrites sans domicile fixe, ce qui ne représente qu'une mince partie des SDF, puisque les exilés, par exemple, n'ont tout simplement pas d'adresse ou sont domiciliés par d'autres assos, et que les gens ayant des droits sociaux ne les demandent pas ou plus. Dans le même temps, il y a 30 000 logements vides recensés rien qu'à Nantes. On est combien comme ça à avoir vécu des expulsions? À avoir des embrouilles avec des proprios, des agences ou des huissiers, à devoir s'entasser dans des logements insalubres que les agences gestionnaires et proprios ne veulent pas restaurer malgré la dangerosité, profitant du jeu spéculatif global ou très excentré, ou à avoir affaire aux marchands de sommeil, à se galérer sur les terrains pollués, boueux, avec un accès à l'eau et l'électricité difficile parce que il n'y a que là que les caravanes sont tolérées. Et surtout, combien à se galérer seul en cabane ou à même le bitume? D'après les associations, en 10 ans, les expulsions de logements ont augmenté de quasi 50%. La spéculation immobilière a un effet dévastateur sur les classes les plus précaires. Elle justifie l'augmentation des loyers, elle déclasse des quartiers et harcèle les petits proprios pour les forcer à vendre et faire place à leur grand projet, comme cela s'est passé à Croix-Bonneau, à Nantes. Elle exploite la classe ouvrière, que ce soit lors des travaux de construction, en employant des sans-papes avec des conditions de travail aberrantes et en maintenant des salaires très bas. Depuis toujours, les classes exploitées et exclues se sont solidarisées, ont lutté pour ne pas se faire écraser et ont tenu le haut du pavé. Nous devons renforcer l'existant, continuer à se rencontrer, trouver de nouvelles manières de se solidariser, de s'organiser, car rien ne nous sera donné. La crise de la pandémie mondiale du Covid-19 nous montre bien que le pouvoir en place, sa bourgeoisie et ses milices fascistes, ont plutôt profité de la situation. Les exemples d'expulsion, que ce soit pendant le confinement ou juste à sa fin, alors que la crise est loin d'être finie et qu'un second confinement pointe son nez, sont moribondement nombreux, ainsi que les coupures d'énergie et d'eau. La grande messe de la solidarité n'arrivera pas plus aujourd'hui que par le passé, et c'est pour cela que l'on squatte, qu'on s'organise pour faire des récup, qu'on s'entraide en dépannes techniques et matérielles, parce que leur accaparement des ressources fabrique notre misère, que ce soit ici comme dans les pays néocolonies. Bref, si vous aussi vous avez vécu ou vous vivez des expulsions, dans un cadre légal ou non, n'hésitez pas à écrire pour partager vos témoignages à squatnantes@riseup.net. Squatnantes, Squatnantes, riseup, riseup.net. Beaucoup trop de keufs et de caméras, beaucoup trop de nouvelles résidences privées en construction pour les classes aisées, beaucoup trop de tags anti-réfugiés, homophobes, transphobes, misogynes et de stickers de faf aux arrêts de tram. Beaucoup trop de faf armés dans les manifs de Catoréac et beaucoup trop de keufs qui les saluent comme si elles étaient des collègues ou de leur famille. Trop de contrôle CAF, trop de demandes HLM en attente. Trop de dossiers locatifs refusés parce qu'on gagne pas trois fois le prix du loyer. Beaucoup trop de liens entre tout ça. La haine des pauvres, la haine des personnes pas blanches, des meufs, des queers, la volonté de saper ce qu'il reste de petits métiers, de débrouilles aujourd'hui rendues illégales, et de saper l'entraide dans les solutions sociales adaptées. C'est la promotion de l'isolement et de la concurrence féroce. La pandémie, c'est cool pour les grands discours humanistes sans lendemain. C'est le moment idéal pour parler d'union nationale et en faire créer et renforcer l'idéologie nationaliste et mettre tout ce petit monde au travail forcé ou choper du marché ou licencier à tour de bras. Le pouvoir n'a jamais eu de complexe et c'est pas un virus pandémique mondial qui le fera plier, c'est nous. En toute prétention. Voilà, donc comme je le disais, je vous conseille d'aller le voir directement sur le site, ce texte, parce qu'il contient beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens vers d'autres références, vers les développements aussi de certaines histoires qui sont évoquées rapidement dans le texte. Et donc c'est à retrouver sur le site nantes.indymedia.org et c'est l'article 51193. Hélas, depuis ce texte, il y a eu donc beaucoup d'autres expulsions à Nantes, mais aussi ailleurs, à Angers particulièrement. Il y a un article sur nantes.indymedia.org qui parle de ce qui s'est passé Vous le retrouverez, je l'ai pas sous les onglets là d'ouvert, mais voilà, il y a plusieurs articles qui concernent ça. Il y a aussi le site squat.net passant par fr.squat.net, vous allez pouvoir trouver aussi pas mal d'informations. Et c'est tout pour aujourd'hui, mais hélas, ça n'est sûrement pas fini.